Chapitre 4. La motte avait passé plus d'un mois dans cette solitude, et sa femme avait la satisfaction de la voir reprendre du calme et même de la gaieté. Cette satisfaction, Adeline la partageait bien vivement. Elle aurait pu, à juste titre, se féliciter elle-même de cet heureux changement. Son enjouement et ses soins avaient effectué ce que n'avaient pu opérer les trop grandes sollicitudes de son amie. La motte ne paraissait pas indifférent aux aimables dispositions d'Adeline, et quelquefois elle le remerciait avec plus de chaleur qu'il n'avait coutume d'en témoigner. De son côté, elle le regardait comme son unique protecteur, et avait pour lui la tendresse d'une fille. Le temps qu'elle avait passé dans cette paisible retraite avait adouci le souvenir des événements passés, et rendu à ses esprits leur harmonie naturelle. Quand sa mémoire lui rappelait ses courtes et romanesques attentes de félicité, tout en donnant un soupir à cette illusion ravissante, elle déplorait moins son erreur qu'elle ne se réjouissait de sa sécurité et de sa consolation présente. Mais la satisfaction que l'allégresse de la motte répandait autour de lui fut de courte durée. Il devint tout à coup sombre et réservé. La société de sa famille cessa d'avoir pour lui des charmes. Il passait des heures entières dans les endroits de la forêt les plus solitaires, livré à la mélancolie et à des peines secrètes. Il ne s'abandonnait plus, comme auparavant, sans aucune contrainte à son humeur chagrine. Il s'efforçait évidemment de la cacher, et sa joie était trop artificielle pour échapper à la pénétration. Son domestique Pierre, soit par curiosité, soit par attachement, le suivait dans la forêt sans se faire voir. Il remarqua qu'il se retirait fréquemment dans un certain endroit très écarté. Dès qu'il y était parvenu, il disparaissait toujours avant que Pierre, qui était forcé de suivre de loin, pût exactement reconnaître où il passait. Ce changement dans les manières et dans les habitudes de la motte était trop manifeste pour n'être pas remarqué par sa femme. Elle employa toutes les ruses que l'affection peut suggérer, tout ce que peuvent inventer les artifices d'une femme pour l'amener à une confidence. Il fut insensible à l'influence des premières et sut résister à la séduction des autres. Voyant que tous ses efforts ne pouvaient dissiper les ombres qui enveloppaient son âme ni en pénétrer la cause, elle y renonça et tâcha de se faire à cette tristesse mystérieuse. Les semaines se succédaient, et le même secret continuait de fermer la bouche et de dévorer le cœur de la motte. On n'avait point découvert le lieu de ses visites dans la forêt. Pierre avait souvent regardé autour de l'endroit où son maître disparaissait, mais il n'avait jamais découvert aucun réduit où il pût le soupçonner de se cacher. L'étonnement du domestique s'accrut à un tel point qu'il lui fut impossible de se contenir, et il fit part à Madame Lamotte de ce qui en était le sujet. Elle dissimula devant Pierre l'émotion que lui causa ce récit et lui fit un crime des moyens qu'il avait employés pour satisfaire sa curiosité. Mais en réfléchissant sur cette circonstance et en la rapprochant de l'altération qui s'était faite en dernier lieu dans l'humeur de son mari, ses inquiétudes recommencèrent, ses perplexités redoublèrent. Après y avoir longtemps rêvé, ne pouvant trouver d'autres motifs à une pareille conduite, elle ne tarda pas à l'attribuer à l'influence d'une passion criminelle, et son cœur, plus rapide que son jugement, confirma la supposition et s'ouvrit à tous les traits de la jalousie. Comparativement parlant, elle n'avait pas connu l'affliction jusqu'à ce moment. Elle avait quitté ses plus chers amis, ses plus intimes connaissances, avait abandonné les plaisirs, les agréments et presque le nécessaire de la vie, avait fui avec sa famille dans un exil, dans l'exil le plus affreux, le plus désespérant. Elle éprouvait tout ensemble les maux de la réalité et ceux de la crainte. Elle les avait tous endurés patiemment, soutenus par l'affection de celui pour qui elle souffrait. Quoique cette affection eût paru s'affaiblir pendant quelque temps, elle en avait supporté le refroidissement avec courage. Mais le dernier coup de l'infortune, évité jusqu'à cette heure, vint l'accabler avec une force irrésistible. Cet amour dont elle regrettait la perte, elle le croyait transporté à une autre. L'effet des passions violentes est de confondre les facultés de la raison et de les entraîner dans leur propre direction. Le jugement de Madame Lamotte, soustrait à l'influence de son cœur, lui aurait montré dans le sujet de sa tendresse quelques particularités équivoques, pour ne pas dire contradictoires avec ses soupçons. Aucune de ces circonstances ne la frappa, et elle n'hésita pas longtemps à prononcer qu'Adeline était l'objet de l'attachement de son mari. Elle était belle. Quelle autre, en effet, pouvait s'être dans un coin de terre aussi séparé du reste du monde. La même cause détruisit presque en même temps l'unique consolation qui lui restait, et en pleurant de ne pouvoir plus placer son bonheur dans la tendresse de son époux, elle pleurait aussi de ne pouvoir plus chercher de soulagement dans l'amitié d'Adeline. Elle avait pour elle une trop grande estime pour soupçonner d'abord la pureté de sa conduite. Mais en dépit de sa raison, elle ne lui ouvrait plus son cœur avec la chaleur de son intimité ordinaire. Elle se retira de sa confidence, et plus sa jalousie concentrée ouvrait ses soupçons, plus elle lui montra de froideur jusque dans ses manières. Adeline, s'apercevant de ce changement, l'attribua d'abord au hasard, ensuite à un désagrément passager, occasionné par quelque légère inadvertance dans sa conduite. Elle redoubla donc ses assiduités, mais s'apercevant contre son attente que ses efforts pour plaire n'avaient plus le même succès, et que la réserve de Madame Lamothe ne faisait qu'augmenter, elle conçut de sérieuses inquiétudes et résolut d'avoir une explication. C'est ce que Madame Lamothe évitait soigneusement, et qu'elle retarda pour quelque temps, mais Adeline, trop intéressée aux conséquences pour être arrêtée par de légers scrupules, se rendit si pressante que Madame Lamothe fut d'abord embarrassée, mais elle finit par imaginer quelque frivole excuse et par tourner la chose en ridicule. Elle vit alors la nécessité de ne plus paraître réservée avec Adeline, et quoique son art ne pût triompher des préjugés de la passion, il réussit passablement à lui faire prendre l'extérieur de l'amitié. Adeline fut trompée et retrouva la paix. Une confiance en borne dans la franchise et dans la bonté des autres, c'était sa faiblesse. Mais les angoisses d'une jalousie étouffée n'en tourmentèrent que plus cruellement le cœur de Madame Lamothe, et elle résolut à tout événement d'obtenir quelques certitudes sur le motif de ses soupçons. Elle se permit alors un acte de bassesse dont elle avait d'abord repoussé l'idée. Ce fut d'ordonner à Pierre de suivre les pas de son maître afin de découvrir, s'il était possible, le lieu de ses visites. À force d'écouter sa jalousie, elle lui laissa prendre un tel empire sur sa raison qu'elle soupçonna d'abord la vertu d'Adeline, et alla bientôt jusqu'à se figurer que les disparitions de Lamothe étaient des rendez-vous avec elle. Ce qui fit naître cette conjecture, c'est qu'Adeline faisait souvent de longues promenades dans la forêt, et s'absentait quelquefois de l'abbaye pendant plusieurs heures. Cette circonstance, que Madame Lamothe avait d'abord attribuée à l'amour d'Adeline pour les beautés pittoresques de la nature, agissait avec violence sur son imagination, et elle ne pouvait plus l'envisager que comme un prétexte pour avoir de secrets entretiens avec son mari. Pierre obéit avec empressement aux ordres de sa maîtresse, car ils étaient formellement secondés par sa propre curiosité. Tous ses efforts néanmoins furent sans succès. Il n'osa jamais suivre la mode d'assez près pour reconnaître le dernier endroit où il se retirait. L'impatience de Madame Lamothe s'accrut par ses retardements. Les difficultés stimulèrent sa jalousie. Elle résolut donc de demander à son mari l'explication de sa conduite. Après avoir un peu réfléchi sur les moyens les plus convenables pour l'obtenir, elle va le trouver. Mais en entrant dans la chambre où il était, elle oublie le rôle qu'elle avait concerté, tombe à ses pieds et reste quelques moments noyée dans ses larmes. Étonné de sa posture et de sa douleur, il lui en demande la cause. « Votre conduite ?» lui répond-elle. « Ma conduite » dit-il. « Et quelle partie de ma conduite, s'il vous plaît ?»« Votre réserve, votre tristesse secrète et vos fréquentes absences de l'abbaye. » Est-il donc surprenant qu'un homme qui a presque tout perdu déplore quelquefois ses infortunes? Ou bien est-ce pour lui un si grand crime de vouloir cacher ses douleurs, qu'ils doivent par là s'attirer le blâme de ceux à qui il voudrait épargner le tourment de les partager? À ces mots, il sort de sa chambre, laissant Madame Lamothe immobile de surprise, mais un peu soulagée du poids de ses premiers soupçons. Cependant, elle suivait toujours Adeline avec l'œil de la surveillance. Souvent, elle laissait tomber le masque de l'amitié, et découvrait les traits de la méfiance. Adeline, sans trop savoir pourquoi, se sentait en sa présence moins à son aise, moins heureuse qu'auparavant. Elle tombait dans l'accablement, et lorsqu'elle était seule, elle pleurait souvent sur le triste abandon où elle était réduite. Naguère, le souvenir de ses souffrances passées se perdait dans l'intimité de Madame Lamothe. À présent, quoique la conduite de celle-ci fût trop étudiée pour laisser échapper des signes de haine remarquables, il y avait dans ses manières quelque chose qui glaçait les espérances d'Adeline, sans qu'elle pût s'en rendre raison. Mais un incident qui ne tarda pas suspendit pour quelque temps la jalousie de Madame Lamothe et tira son mari de sa taciturnité farouche. Un jour que Pierre était allé aux Boines pour les provisions de la semaine, il en revint avec des informations qui plongèrent Lamothe dans de nouvelles inquiétudes. « Oh, monsieur !» s'écria Pierre, Je viens d'apprendre quelque chose qui m'a étonné autant qu'il est possible et qui ne vous étonnera pas moins lorsque vous le saurez. Comme j'étais dans la boutique du maréchal et qu'il remettait un clou au fer de mon cheval, c'est que chemin faisant, le cheval avait perdu ce clou d'une étrange manière. Je vais vous dire, monsieur, comment la chose est arrivée. Et laissez cela pour un autre temps et continuez votre histoire. Eh bien, monsieur, comme j'étais dans la boutique du maréchal, un homme, une pipe à la bouche et une grosse prise de tabac à la main. Bon, quel rapport cette pipe a-t-elle encore avec votre histoire? Eh, mais monsieur, vous me troublez. Je ne saurais continuer, à moins que vous ne me laissiez dire à ma guise. Comme je vous disais donc, une pipe à la bouche, c'est là que j'en étais, n'est-ce pas, monsieur? Oui, oui. Il s'assied sur le banc, et ôtant la pipe de sa bouche, il dit au maréchal. Voisin, ne connaîtriez-vous pas ici quelqu'un qui s'appelle Lamotte? Ah, monsieur, tout mon corps s'est aussitôt couvert d'une sueur froide. Monsieur se trouverait-il incommodé? Irais-je lui chercher quelque chose? Non, mais soyez bref dans votre récit. Lamotte, Lamotte, dit le maréchal. Je crois avoir entendu parler de ce nom-là. Est-il bien vrai? Lui dis-je. En ce cas, vous êtes bien fin, car il n'y a pas ici personne de ce nom-là que je sache. Imbécile, pourquoi avez-vous dit cela? Parce que je n'avais pas besoin de leur donner à connaître que monsieur était ici, et si je ne m'étais pas conduit bien adroitement, ils m'auraient deviné. Il n'y a pas ici personne de ce nom-là que je sache, et je dis. En vérité, dit le maréchal, en ce cas vous connaissez mieux que moi le voisinage. Oui, dit l'homme à la pipe, sans doute. Comment se fait-il que vous connaissiez si bien le voisinage? À la Saint-Michel qui vient, il y aura 26 ans que je suis venu ici, et vous en savez plus que moi. Alors il met la pipe dans sa bouche et m'envoie une bouffée dans le nez. Mon Dieu, monsieur, je tremblais de la tête aux pieds. Pour ce qui est de cela, repris-je, je n'en sais pas plus que d'autres, mais je suis bien sûr de n'avoir jamais ouï parler de personne de ce nom-là. Eh, me dit le maréchal, en me regardant entre deux yeux, n'êtes-vous pas l'homme qui demandait, il y a quelque temps, l'abbaye de Saint-Clair? Eh bien, quand cela serait? Et je répondis, qu'est-ce que cela prouve? Vraiment, dit le maréchal en se tournant vers l'autre, on prétend qu'il habite maintenant quelqu'un dans l'abbaye. Et d'après ce qui m'est revenu, ce pourrait fort bien être ce même Lamotte. Et d'après ce qui m'est revenu aussi, dit l'homme à la pipe en se levant. Et vous en savez plus là-dessus que vous n'en dites. Je gagerai ma tête que ce monsieur Lamotte demeure dans l'abbaye. Eh bien, lui dis-je, vous vous trompez, car il ne demeure pas dans l'abbaye à présent. Maudit soit votre sottise, s'écria Lamotte. Mais dépêchez, comment cela s'est-il terminé? Mon maître ne demeure pas là, et je dis. Oh, oh, dit l'homme à la pipe, c'est donc votre maître? Et s'il vous plaît, depuis quand a-t-il quitté l'abbaye? Et où demeure-t-il maintenant? Doucement. Et je dis, n'allons pas si vite. Je sais quand il faut parler et quand il faut me taire. Mais qui est-ce qu'il a demandé? Comment? Il attendait donc quelqu'un? Dit l'homme. Non, dis-je, il n'attendait personne. Mais quand cela serait? Qu'est-ce que cela prouve? Cela ne prouve rien. Alors il a regardé le maréchal et ils sont sortis tous les deux sans que le fer de mon cheval fût raccommodé. Mais c'est à quoi je ne songeais plus. Car dès qu'ils ont été partis, j'ai remonté en selle et me suis mis à courir de mon mieux. Mais dans mon effroi, monsieur, j'ai oublié de prendre le chemin détourné et je suis revenu tout droit à la maison. Lamotte, très mécontent de ce qu'il venait d'apprendre, ne répondit à Pierre qu'en maudissant sa sottise et vint tout de suite chercher madame Lamotte qui se promenait avec Adeline au bord de la rivière. Il était trop agité pour adoucir cette nouvelle par un exorde. « Nous sommes découverts, » dit-il. Les gens de la justice sont venus s'informer de moi à Aubouane, et les bévues de Pierre ont causé ma ruine. Alors il lui fit part du récit de Pierre, et lui dit de se préparer à quitter l'abbaye. « Mais où fuir ? » dit madame Lamotte, pouvant à peine se soutenir. « N'importe en quel lieu, » dit-il, « si nous différons, nous sommes perdus. Il faut, je crois, nous réfugier en Suisse. Si quelque lieu de la France avait pu nous cacher, c'était sûrement celui-ci. » « Hélas, quelle persécution ! » reprit madame Lamotte. À peine avons-nous rendu cette habitation un peu commode que nous voilà forcés de la quitter et d'aller je ne sais où. Je souhaite que nous l'ignorions en effet, répliqua Lamotte. C'est le moindre mal qui puisse nous arriver. Évitons la prison et peu m'importe dans quel endroit nous allions. Mais retournez à l'abbaye sur le champ et mettez en paquet le plus de meubles qu'il vous sera possible. Des flots de larmes vinrent au secours de madame Lamotte et sans rien dire, elle s'appuya toute tremblante sur le bras d'Adeline. Quoique celle-ci n'eût point de consolation à lui donner, elle s'efforça de maîtriser ses propres sensations et de paraître tranquille. « Allons, dit Lamotte, nous perdons du temps. Prépare-nous à fuir. Nous nous la montrons après. Montrez de ce courage si nécessaire pour nous tirer de danger. Adeline ne pleure pas, et cependant sa situation est aussi malheureuse que la nôtre, car je ne sais pas combien de temps je pourrai encore lui servir de protecteur. » Malgré la frayeur qu'éprouvait Madame Lamotte, son amour-propre fut offensé de ce reproche. Baignée de larmes, elle daigna de répondre et jeta sur Adeline un regard qui portait une profonde expression de mécontentement. Comme ils gagnaient la veille en silence, Adeline demanda à Lamotte s'il était bien sûr que ce fussent les gens de la justice qui s'étaient informés de lui. « Je n'en saurais douter, » répliqua-t-il. « Quelles autres personnes auraient pu me demander ? D'ailleurs, la conduite de l'homme qui a cité mon nom rend la chose évidente. »« Peut-être que non, » dit Madame Lamotte. « Attendons pour partir jusqu'à demain matin. Peut-être que notre fuite n'est pas nécessaire. » « Sans doute. Et pendant ce temps-là, les gens de la justice pourraient fort bien venir nous en dire autant. » Lamotte donna à Pierre des ordres pour partir dans une heure. « Dans une heure, » dit Pierre. « Et mon Dieu, notre maître, songez donc seulement à la roue du carrosse. Il me faudrait au moins une journée pour la raccommoder, car monsieur sait bien que je n'en ai raccommodé de ma vie. » C'était une circonstance qui avait absolument échappé à Lamotte lorsqu'il s'était établi dans l'abbaye. Pierre avait été d'abord trop occupé à mettre les appartements en état pour se rappeler la voiture, et dans la suite, s'imaginant qu'on n'en aurait pas besoin de sitôt, il avait négligé de la réparer. Lamotte perdit alors patience et en proférant mille jurements, il prescrivit à Pierre de se mettre à l'ouvrage sur le champ. Mais on ne trouva plus les matériaux qu'on avait achetés pour cela dans le temps, et Pierre se souvint, quoiqu'il fût assez prudent pour n'en rien dire, d'avoir employé les clous à la réparation de l'abbaye. Il était donc impossible de quitter la forêt ce soir-là. Il n'en restait à Lamotte que de réfléchir aux moyens les plus probables d'éviter d'être découvert. Si les gens de la justice venaient visiter les ruines avant le lendemain, ce qui n'était pas invraisemblable, d'après l'étourderie que Pierre avait commise en revenant de Boisne par le chemin direct. D'abord, il vint bien dans la pensée que, malgré l'impossibilité d'emmener ses compagnons, il était facile de prendre des chevaux et de sortir de la forêt avant la nuit. Mais il songea qu'il courait toujours quelque danger d'être reconnu dans les villes où il passerait, et il ne se faisait point à l'idée de laisser sa famille à l'abandon, sans savoir s'il pourrait la rejoindre, ni quel rendez-vous il pourrait lui donner pour le suivre. Lamotte n'était pas homme à prendre un parti vigoureux, et peut-être aimait-il mieux souffrir en compagnie qu'isolé. Après avoir longtemps rêvé, il se rappelle la trappe du cabinet appartenant aux chambres d'en haut. Les yeux ne pouvaient l'apercevoir, et en quelque endroit qu'elle conduisit, elle le mettrait au moins à l'abri d'être découvert. Après avoir plus mûrement réfléchi sur ce point, il se décide à visiter les lieux secrets où conduisait l'escalier, et s'imagine que toute sa famille pourrait s'y tenir cachée pendant quelque temps. Il ne mit que peu de moments entre la conception de son dessein et l'exécution, car l'obscurité s'épaississait, et dans chaque murmure du vent, il se figurait entendre la voix de ses ennemis. Il demanda une lumière et monta dans sa chambre. Arrivé au cabinet, il fut quelque temps à trouver la porte de la trappe, tant elle était bien jointe avec les panneaux du parquet. Il la trouve enfin et la lève. Les froides vapeurs d'un air longtemps renfermé s'exhalèrent par l'ouverture. Il les laissa passer un moment avant de descendre. Comme il regardait dans cet abîme, il se rappela l'information que Pierre avait rapportée concernant l'abbaye. Cela lui causa une sensation pénible, mais elle fit place à des intérêts plus pressants. L'escalier était roide et tremblait sous lui en plusieurs endroits. Après avoir continué de descendre quelque temps, son pied toucha la terre. Il se trouva dans un étroit passage, mais comme il se tournait pour le suivre, les humides vapeurs roulèrent autour de lui et éteignirent sa lumière. Il appela Pierre à haute voix, mais il ne put se faire entendre de personne, et après quelques minutes, il essaya de retrouver le chemin de l'escalier. Et il y réussit, non sans difficulté, et traversant les chambres d'un pas prudent, il descendit de la tour. La sûreté que l'endroit dont il sortait sembla lui promettre était d'une trop grande importance pour être rejetée légèrement. Il résolut donc de faire une nouvelle épreuve avec la lumière. Après l'avoir fixée dans une lanterne, il descend une seconde fois dans le passage. Le courant des vapeurs occasionné par l'ouverture de la trappe était apaisé, et l'air nouveau qui y était entré commençait à circuler. Lamotte s'avança sans accident. Le passage était fort long et le conduisit à une porte fermée. Il posa sa lanterne à quelque distance pour éviter le courant d'air et usa de toute sa vigueur pour forcer la porte. Elle s'ébranlait sous sa main, mais sans s'ouvrir. En l'examinant de plus près, il s'aperçut que le bois était endommagé autour de la serrure, probablement par l'humidité, ce qui l'encouragea à continuer. Après quelques efforts, la porte céda, et il se trouva dans une chambre carrelée de pierre. Il resta quelque temps à l'examiner. Les murs sur lesquels distillait une humidité malsaine étaient entièrement nus et n'offraient pas même une fenêtre. L'air n'était admis que par un petit grillage de fer. À l'extrémité, auprès d'un enfoncement, était une autre porte. La mode s'en approcha et, en passant, regarda dans l'enfoncement. Il aperçut par terre un grand coffre. Il s'approcha pour l'examiner et, soulevant le couvercle, il vit les restes d'un squelette humain. Son cœur fut glacé d'effroi et il retourna sur ses pas involontairement. Après s'être arrêté quelques instants, ses premières émotions s'apaisèrent. Cette curiosité que les objets de terreur excitent souvent dans le cœur de l'homme lui fit jeter encore un regard sur cet horrible spectacle. La motte demeurait immobile à cette vue. L'objet qu'il avait sous les yeux semblait confirmer le bruit répandu que quelqu'un avait été assassiné dans l'abbaye. Il ferme enfin le coffre et s'approche d'une seconde porte pareillement fermée, mais la clé était dans la serrure. Il la tourne avec difficulté et s'aperçoit alors que la porte était retenue par deux gros verrous. Il les tire, la porte s'ouvre sur une rampe d'escalier. Il descend les marches qui aboutissaient à une enfilade de voûtes basses, ou plutôt de cellules qui, d'après la forme de leur construction et de leur état actuel, paraissaient contemporaines des plus vieilles parties de l'abbaye. Dans l'abattement d'esprit où se trouvait la motte, il pensa que c'étaient les sépultures des religieux qui avaient jadis habité l'édifice au-dessus. Elles avaient été plutôt construites pour la pénitence des vivants que pour le repos des morts. Arrivé au bout de ces cellules, il trouva encore le passage fermé par une porte. Il hésite, il ne sait s'il tentera d'aller plus avant. Le lieu où il était lui parut offrir la sûreté qu'il cherchait. Il pouvait y passer la nuit sans être tourmenté de la crainte de se voir découvert. Et il était probable que si les archers arrivaient pendant la nuit et trouvaient l'abbaye déserte, ils en sortiraient avant le jour, ou du moins avant que rien ne l'obligeât de quitter son asile. Ces réflexions redonnèrent à son âme une bien plus grande tranquillité. Le plus pressant de tous ses soins était seulement d'amener, le plus tôt possible, sa famille dans ce lieu de sûreté, de peur que les archers ne fondissent sur eux à l'improviste, et il se reprochait déjà d'avoir délibéré si longtemps. Mais un désir invincible de savoir où conduisait cette porte arrêta ses pas et il retourne pour l'ouvrir. La porte était bien fermée, et comme il essayait de la forcer, il entendit soudain du bruit au-dessus de sa tête. Il pensa que les gens de la justice étaient peut-être déjà venus, et il quitta les cellules avec précipitation, dans le dessein d'écouter à la porte de la trappe. « Là, dit-il, je pourrais entendre, sans risque, et recueillir peut-être quelque chose de ce qui se passe. On ne reconnaîtra pas mes compagnons, ou du moins, on ne leur fera pas de mal. Et quant à leur inquiétude sur mon compte, il faut qu'ils apprennent à la supporter. » Tels étaient les renseignements de la mode. Il faut l'avouer, il décelait plutôt la prudence de l'égoïsme qu'une tendre sollicitude pour son épouse. Cependant, il était revenu au bas de l'escalier, lorsqu'en levant les yeux, il aperçoit qu'il avait laissé la trappe ouverte. Il montait vite pour la fermer, il entend des pas qui s'avancent à travers les chambres d'en haut. Avant qu'il pût redescendre assez pour se cacher entièrement, il regarda encore au-dessus et aperçut par l'ouverture le visage d'un homme qui avait les yeux sur lui. « Notre maître !» s'écria Pierre. La mode fut un peu rassurée au son de cette voix, mais il ne laissa pas que d'être fâché de l'épouvante qu'on lui avait causée. « Que voulez-vous? Qu'avez-vous à faire ici ?»« Rien, monsieur, je n'ai rien à faire, si ce n'est seulement que ma maîtresse m'envoie chercher monsieur. »« Il n'y a donc personne ici ?» dit la motte en posant son pied sur le degré. « Si fait, monsieur, il y a mademoiselle Adeline et... »« fort bien, dit la motte avec joie. « Marchez, je vous suis. » Il apprit à madame la motte où il était allé, lui fit part du dessein qu'il avait de se cacher, et délibéra sur le moyen de persuader aux archers, dans le cas où il viendrait, qu'il avait quitté l'abbaye. Dans cette vue, il ordonna d'apporter tous les meubles dans les cellules d'en bas. Il était lui-même à l'opération, et tout le monde y mit la main pour accélérer. En très peu de temps, il laissa la partie habitable de l'édifice dans un état presque aussi nu qu'il l'avait trouvé. Il dit ensuite à Pierre de conduire les chevaux à quelque distance de l'abbaye et de les laisser en liberté. Après y avoir bien réfléchi, il imagina une chose qui devait contribuer à donner le change aux archers. Ce fut de placer dans quelque partie remarquable de l'édifice une inscription qui exprimerait son infortune et porterait la date de son départ de l'abbaye. C'est dans ce dessin qu'au-dessus de la porte de la tour qui conduisit à la partie habitable, il grava les lignes suivantes. Vous qui, par le malheur, dans ce lieu solitaire, peut-être fut amené, sachez qu'il est immortel sur la terre autant que vous, infortuné. PLM, un malheureux exilé, chercha dans ses murs un refuge contre la persécution le 27 avril 1658 et les quitta le 27 juin de la même année pour tâcher de trouver un asile plus convenable. Après que ces mots furent gravés avec un couteau, on mit dans un panier le petit restant des provisions de la semaine, car Pierre, dans sa frayeur, était revenu de son dernier voyage sans rien apporter. La meute avait rassemblé ses compagnons, ils montèrent sous l'escalier de la tour et traversèrent les chambres jusqu'au cabinet. Pierre passa le premier avec une lumière et eut un peu de peine à trouver la porte de la trappe. Madame Lamotte frissonna en voyant la profondeur de ce gouffre, mais chacun gardait le silence. Lamotte prend alors la lumière et conduit la marche. Il est suivi de sa femme et puis d'Adeline. « Sébumone aimait le bon vin, tout comme d'autres, » dit Pierre qui faisait l'arrière-garde. « Je vous garantis, monsieur, que c'était ici leur cellier. Je sens déjà l'odeur des futailles. »« Paix, » dit Lamotte, « réservez vos plaisanteries pour une occasion plus convenable. »« Il n'y a pas de mal d'aimer le bon vin, monsieur, c'est bien cela. » « Finissez cette bouffonnerie !» dit Lamotte d'un ton plus imposant, « et passez le premier !» Pierre obéit. Ils arrivent à la chambre voûtée. Le spectacle affreux que Lamotte y avait vu le détourna de l'idée de passer la nuit dans cette pièce, et les meubles avaient été portés par son ordre dans les cellules du fond. Il tremblait que ses compagnons ne vissent le squelette, et que cette vue n'excitât le degré d'horreur qu'ils ne pourraient surmonter pendant leur séjour dans ce lieu. Lamotte passa vite devant le coffre. Pour Madame Lamotte et Adeline, elles étaient trop remplies de leurs pensées pour donner une attention minutieuse à des circonstances extérieures. Arrivée dans les cellules, Madame Lamotte pleura sur la nécessité qui la condamnait à une si horrible demeure. « Hélas, » dit-elle, « en sommes-nous donc réduits à cette extrémité ? Les appartements d'en haut m'avaient d'abord semblé une déplorable habitation, mais c'est un palais en comparaison de ceci. »« Cela est vrai, ma chère amie, » dit Lamotte. Et bien que le souvenir de ce que vous les aviez cru d'abord adoucisse à présent votre déplaisir. Ces cellules sont un palais, comparé à Bicêtre ou à la Bastille, ou aux terreurs d'un affreux châtiment qui nous y accompagnerait encore. Que la crainte d'un plus grand mal vous apprenne à souffrir le moindre. Je suis content si je trouve ici le refuge que je cherche. » Madame Lamotte était muette, et Adeline, oubliant ses derniers torts, tâchait de la consoler de son mieux. Tandis que son propre cœur succombait aux infortunes qu'elle ne pouvait s'empêcher d'anticiper, elle avait l'air tranquille et même enjouée. Elle prévenait Madame Lamotte avec la plus vigilante sollicitude. Elle était si contente de voir son mari caché dans cet asile qu'elle perdait presque le sentiment de ce qu'il avait d'horrible et d'incommode. C'est ce qu'elle exprima sans détour à Lamotte. Il ne pouvait être insensible à cette marque d'attachement. Madame Lamotte y prit garde et cela reproduisit en elle un sentiment pénible. Elle prit les épanchements de la reconnaissance pour ceux de la tendresse. Lamotte retourna plusieurs fois à la trappe pour écouter s'il n'y avait personne dans l'abbaye, mais aucun bruit ne troublait le calme de l'obscurité. Enfin, ils se mirent à table. Le souper fut triste. « Mon ami, » dit Madame Lamotte en soupirant, « si les archers ne venaient pas cette nuit et si Pierre retournait demain matin au Bois, il pourrait prendre de plus amples éclaircissements, ou du moins nous procurer une voiture pour sortir d'ici. » « Sans doute, » dit Lamotte, « qu'il pourrait en trouver une, et du monde aussi, pour la suivre. Pierre serait un homme excellent pour montrer aux archers le chemin de l'abbaye, et pour les informer de ce dont ils pourraient se douter sans lui, savoir que je suis ici caché. » « Quelle cruelle ironie, » dit Madame Lamotte, « ce que je proposais, c'était seulement pour notre bien commun. J'ai pu me tromper dans mon idée, mais assurément mon intention était pure. » En prononçant ces mots, ses yeux se gonflèrent de larmes. Adeline aurait voulu la consoler, mais elle se taisait par délicatesse. Lamotte remarqua l'effet de son discours, et quelque chose de ressemblant au remords pénétra dans son cœur. Il s'approche de sa femme et lui prenant la main. « Il faut pardonner au désordre de mon âme, » dit-il. « Je n'avais pas dessein de vous affliger. L'idée d'envoyer Pierre à Aubouane, où il a déjà fait tant de bévues, je n'ai pu m'empêcher de la relever. Non, ma chère amie, notre chance seule de salut, c'est de rester où nous sommes tant qu'on durera nos provisions. Si les archers ne viennent pas ici cette nuit, ils y viendront probablement demain matin ou peut-être après-demain. Quand ils auront fouillé l'abbaye pour m'y trouver, ils s'en iront. Alors nous pourrons sortir de ce refuge et prendre des mesures pour passer dans un pays éloigné. Madame Lamothe reconnut la vérité de ce discours, et son âme étant consolée par la petite satisfaction que son mari venait de lui donner, elle reprit assez de gaieté. Après souper, Lamothe posta le fidèle mais simple Pierre au pied de l'escalier qui montait au cabinet, pour y faire sentinelle pendant la nuit. Ensuite, il revint dans les cellules d'en bas, où il avait laissé sa petite famille. Les lits étaient préparés, et tous étant souhaités le bonsoir, ils se couchèrent et implorèrent le sommeil. La pensée d'Adeline était trop occupée pour lui permettre de reposer, et lorsqu'elle crut ses compagnons endormis, elle s'abandonna à la tristesse de ses réflexions. Elle regardait aussi dans l'avenir avec les plus affligeantes appréhensions. Si Lamothe était arrêtée, qu'allait-elle devenir? Elle serait alors une créature errante sur la terre, sans amis pour la protéger, sans argent pour subsister. La perspective était triste, était terrible. Les chagrins de monsieur et de madame Lamothe, qu'elle chérissait avec la plus vive affection, n'entraient pas dans les siens pour peu de choses. Quelquefois elle se rappelait son père, mais elle ne voyait en lui qu'un ennemi loin duquel elle devait fuir. Ce souvenir ajoutait à ses peines, mais l'idée des souffrances qu'il lui avait occasionnées l'affligeait moins encore que le sentiment de sa dureté. Elle versa des larmes amères. À la fin, elle s'adressa à l'être suprême et se remit à sa providence avec cette piété simple qui n'appartient qu'à la vertu. Son âme se calma, se rassura par degrés, et bientôt après, elle s'endormit.